Phase 22, activation orale, forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Nous allons avoir un nouveau garçon dans l'histoire. Et vous dites. Nous allons avoir une nouvelle fille dans l'histoire. Allons-y. 2. C'est un dragueur. C'est une dragueuse. 3. Il n'est pas très beau. Elle n'est pas très belle. 4. Il est puant, ce garçon. Elle est puante, cette fille. 5. Il est un peu resquilleur. Elle est un peu resquilleuse. 6. Je ne le trouve pas très malin. Je ne la trouve pas très maligne. 7. On dit qu'il est dangereux. On dit qu'elle est dangereuse. 8. En fait, il est assez inoffensif. En fait, elle est assez inoffensive. 9. C'est un bon copain. C'est une bonne copine.